je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Et pour cette occasion, c'est la dernière déjà. C'est la dernière de la saison, je vous rassure. En tout cas, on espère revenir à la rentrée, je touche du bois. Pour cette dernière de la saison, comme les deux dernières de dernière saison, nous allons faire un petit bilan de l'année avec aussi des thèmes qu'on a peut-être pas eu l'occasion d'aborder ou que on a peut-être pas trouvé encore l'invité qui correspond. Mais en tout cas, on va les aborder ces sujets, on va essayer en tout cas. Par exemple, Fanny va nous parler jeux, principalement jeux vidéo et narration. J'ai envie de trop spoiler, hein, je ne peux pas gâcher. Séléné va nous parler contenu téléchargeable entre modèle économique et gestion communautaire. Quant à Manuel, lui, ça va être de l'analogique au jeu numérique et inversement et vice versa. Prenez l'expression que vous préférez. Et quant à moi, je vais parler jeu et identité, la notion du joueur. Avant ça, on va peut-être faire un petit tour de table sur peut-être votre grand souvenir de l'année. Quel est peut-être le podcast que vous avez préféré enregistrer sans dénigrer les autres, évidemment. Je pense que... Non, je vous prends un dépourvu. Ah, si, Fanny. Alors, le podcast préféré qu'on a pu enregistrer, c'était le dernier que j'ai fait, qui était avec Célène. Déjà parce que c'était le premier où on était un peu toute seule, en roue libre, pour la technique. Ce qui s'est entendu sur l'enregistrement, puisqu'on a eu un petit oubli de casque et un retour de son dont je suis vraiment désolée, hein, on s'en excuse. Mais voilà, il fallait quelques erreurs pour qu'on apprenne mieux, ce qui a nécessité beaucoup de retouches du fichier audio. Et on est monté en compétences du coup grâce à ça. Mais ouais, ça a été une chouette expérience avec Eric Viennot, qui est un interlocuteur qui était... je me trompe. Mais c'est les Eric aussi. Trop de podcasts et trop d'Eric. Donc, Minguet. Eric Malet. Sur le jeu de rôle pour le team building, entre autres choses. Voilà, c'était un podcast assez chouette. Ouais, je trouve que c'était un très très chouette moment. En plus, on essayait de développer des stratégies. Du coup, c'est pas passé dans le podcast, mais c'est vrai qu'on se passait beaucoup de papier. Comme c'était le premier qu'on faisait toutes les deux, on a eu une gestion justement du podcast et de la stratégie de réalisation du podcast qui était nouvelle. Donc c'était une super expérience. Et il y en a un autre que j'ai bien aimé aussi. Alors, j'ai tous bien aimé, mais avec Morgane Régnier pour le jeu et l'intime, j'ai trouvé vraiment qu'on allait creuser des notions qu'on a trop peu l'habitude de... Par exemple, quand on va parler de la sociologie du jeu ou de la neuropsycho du jeu, etc., c'est sûr que c'est hyper intéressant, que c'est hyper intéressant à creuser, etc., mais on a l'habitude d'effleurer ces sujets. Alors que là, effleurer justement la question de l'intime... C'est beaucoup de tabous, c'est beaucoup de... Et ouais, ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment bien ce podcast. À ce sujet, je peux me permettre de préciser que Morgane Régnier a sorti tout récemment son dernier jeu qui s'appelle Into the Woods et qui, pour le coup, travaille vraiment la question de l'intime puisqu'on joue... C'est un jeu pour deux et on joue la relation intime entre une personne et son ami imaginaire, sa bonne fée... quelque chose qui est vraiment dans la sensibilité, ça lui ressemble beaucoup. Je vous recommande de jeter une oreille dessus. J'en profite que j'ai le micro pour donner mes ressentis. Moi, globalement, je trouve qu'on a plutôt des épisodes chouettes cette année. Je garderai l'hilarité de Mathieu Triclot devant les petits stratagèmes. L'épisode sur la triche, un épisode qui nous... qui couvait depuis longtemps, qu'on voulait faire avec Adrien. C'est quand même une notion qui nous intéresse. On a eu grand plaisir à avoir quelqu'un qui réfléchit sur le jeu depuis longtemps, lui-même réfléchir quasiment en direct sur le sujet, à toutes les conséquences, les implications, les... d'où ça pouvait venir et comment c'était intrinsèquement lié au jeu et à sa pratique. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment assez chouette. Eh ben, tu m'ôtes les jeux, mais tu m'ôtes les mots de la bouche, parce qu'effectivement, ça fait partie sans doute des moments forts de l'année. À noter aussi la découverte, alors je n'ai plus son nom, mais c'était sur la santé. Marc Cugia, voilà. C'est ça, sur le jeu et la santé, comment on peut gamifier la formation en fait, des médecins. Là-dessus, c'était une vraie découverte. Pour être tout à fait franc, je ne savais pas du tout où j'allais avec ce podcast. Mais c'était une chouette découverte. Et en tout cas, je remercie vraiment Fanny d'avoir créé cette rencontre et rendu possible ce podcast. Et maintenant, on va pouvoir aborder ce qu'on n'a pas pu aborder pendant l'année, en tout cas des choses qu'on aimerait au moins éterniser à travers un podcast de fin de saison. Alors peut-être, qui veut commencer? Je ne vous battez pas, vous regardez tous en chien de force. Allez, donc nous avons donc Manuel qui va nous parler de l'analogique dans les jeux numériques et vice-versa, c'est à peu près ça? C'est ça. Si je comprends bien les sujets des uns et des autres, on va avoir deux sujets plutôt de fond et deux sujets sur des tendances plus ou moins récentes. Je vais commencer moi avec une tendance. J'ai commencé à observer un peu de plus en plus près et je trouve qu'il se passe quelque chose en ce moment et que ça s'accélère. Pas une transversalité, mais en tout cas une porosité de plus en plus forte entre le jeu numérique et le jeu analogique, c'est-à-dire grosso modo hein, le jeu de société, j'y inclurai le jeu de rôle, et le jeu vidéo avec des jeux hybrides. Et il y a de plus en plus de jeux hybrides qui émergent et je trouve que c'est une tendance vraiment intéressante parce que quelque part ça transcrit derrière le fait que des game designers commencent à voir les ponts, ce qu'on travaille depuis finalement le début hein, sur l'ideologie, l'idée qu'il y a des ponts entre les différentes formes de jeux et qu'elles peuvent se nourrir l'une l'autre. Moi, j'ai relevé quelques exemples dans ces derniers mois qui m'ont bien plu. Alors, c'est pas vraiment nouveau. Fanny, tout à l'heure, citait Eric Viennot. Avec Eric Viennot, on a beaucoup parlé de transmédia. Effectivement, c'est quelque chose qui travaillait depuis longtemps. Mais là, vraiment, dans les formes ludiques, il y a des choses intéressantes. Je trouve que quasiment les précurseurs dans le domaine, c'est une boîte française qui s'appelle les éditions Volumique, qui n'est pas à proprement parler éditeur de jeux, enfin, c'est un peu plus compliqué. Ils sont éditeurs d'objets étranges, d'objets entre les deux, de jeux qui se jouent avec des pions sur une tablette, de jeux qui se jouent aussi avec la capture du téléphone et quand on capture une image, on peut la rendre interactive, ce genre de choses, qui sont assez riches. Ils ont bossé... l'année dernière, en 2016, sur un jeu qui s'appelle World of Yoho, qui est un gros jeu de plateau où on joue des pirates, donc avec un gros plateau, on déplace des pions, sauf que les pions, bah, c'est les bateaux des pirates, et ils ont pas mal de compteurs avec des fonctions spécifiques. Leur idée, que je trouve assez... qui pourrait être du gadget, mais que je trouve assez intéressante et originale, c'est qu'en l'occurrence, les pions, ce sont des smartphones. Avec une application, du coup ça permet un décompte des différents scores vraiment en direct. On n'est pas très éloigné de ce qu'on avait pu évoquer dès la première saison avec Cœur de Vandal et Dorian Chandelier sur les jeux de cartes numériques qui permettaient de faire des choses qui ressemblent beaucoup aux jeux de cartes analogiques mais qui permettent de faire des choses un petit peu différentes. Yann avait pris à l'époque l'exemple d'Hearthstone. Je vous invite à réécouter le podcast si vous avez l'occasion. Et il y a vraiment des proximités comme ça. Alors ça, c'est presque le plus évident. Ils continuent à faire pas mal de choses vraiment... Regardez à l'occasion, si vous pouvez, le portfolio des éditions Volumique. Il y a des choses vraiment, vraiment riches. Et puis, je trouve que cette année, on a des transversalités qui viennent de l'autre côté. C'est-à-dire que souvent, c'est du côté du jeu de société qu'on va chercher un peu comment rajouter du numérique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, parce qu'on sait que c'est aussi assez porteur. Mais il y a aussi les éditeurs de jeux vidéo qui vont aller chercher du côté, notamment du jeu de rôle, sur l'exemple que j'ai. Je trouve que c'est pas négligeable. Il existe depuis maintenant quasiment 20 ans des jeux qui s'inspirent du jeu de rôle, enfin ça existe depuis plus longtemps, mais qui s'inspirent de façon très directe du jeu de rôle. Ça existe depuis à peu près 20 ans en jeu vidéo, que ce soit avec des jeux comme le premier jeu vidéo Vampire, dont j'ai oublié le nom, où on pouvait avoir un système avec un meneur de jeu et des joueurs, mais aussi un mode pour Baldur's Gate, si je dis pas de bêtises, pour Neverwinter Nights, qui permettait d'avoir des possibilités de mener et du coup d'interagir d'humain à humain dans la même partie. Et il semblerait que, alors moi-même je ne l'ai pas testé, hein, mais que dans le jeu Divinity Original Sin 2, pour faire très anglais, y a un Game Master Mode qui permet aussi vraiment cette approche avec meneur de jeu. Ce que je trouve intéressant, c'est d'abord que c'est un vrai axe de communication pour les éditeurs de Divinity Original Sin, ce qui démarque le fait que le jeu de rôle, ça peut être, y compris pour un éditeur de jeux vidéo, un argument marketing, c'est plutôt intéressant. Et puis, en plus, du coup, des outils de plus en plus avancés pour pouvoir permettre de vraiment faire l'histoire au fur et à mesure et pas être obligé de tout scripter en amont, comme ça pouvait être le cas un petit peu avant. C'est des choses qu'on a pu retrouver un peu dans d'autres jeux, mais visiblement, c'est quand même très, très avancé chez eux. De la même façon, il y a des croisements pour... Alors, un jeu dont j'ai oublié le nom, avec un gros jeu de figurines... avec un de ces gros Kickstarter de figurines avec plusieurs centaines de figurines à débloquer et qui propose comme stretch goal, comme palier, la version jeu de rôle du jeu à un moment, alors que les figurinistes sont pas nécessairement tous des rôlistes, même s'il y a des vraies porosités. Le dernier exemple que j'ai là-dedans, et après je vous laisserai me dire que j'ai tort, mais en attendant, le dernier exemple que j'ai pu tester récemment et que je trouve assez pertinent, c'est un jeu qui s'appelle Unlock Escape Adventures. La suite va sortir d'ici peu de temps, si vous écoutez le podcast, au début juillet, voire même sera à peine sorti, qui s'appelle Unlock Mystery Adventures, qui sont des escape games en jeu de société, avec l'usage d'une tablette qui va servir à rentrer des codes secrets, à récupérer des indices et à faire le compteur de temps pour avoir cette sensation escape game de vous avez 60 minutes pour trouver la sortie. Et en même temps, un vrai système avec des cartes, avec de l'observation, où on retrouve toutes les mécaniques de fouilles, d'énigmes, de relations et de combinaisons d'objets qu'on peut avoir dans un escape game. C'est vraiment malin sur l'approche. Et je trouve que là aussi, c'est un jeu qui ne pourrait pas fonctionner s'il n'avait pas son application pour le nourrir. À ça, on pourrait ajouter tous les nombreux portages de jeux de société, notamment sur tablette. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a une vraie accélération avec des éditeurs de jeux de société qui vraiment ont développé quasiment des studios entiers dédiés au portage de leurs jeux de société sur tablette. En particulier sur tablette, parce que la proximité, je crois, est forte avec, dans la pratique potentielle avec le jeu de société. Enfin voilà, il y a une espèce de porosité générale qui, à mon avis, va pouvoir faire émerger des choses assez riches en termes de game design dans les mois et les années à venir. Niveau jeu PC aussi, qui pourrait beaucoup se rapprocher d'une pratique d'escape game, il y a Keep Talking and Nobody Explodes. Qui est sorti justement il n'y a pas si longtemps que ça, et qui permet justement à deux personnes, l'une a la bombe devant elle et ne sait pas trop quoi en faire, et l'autre a le manuel mais ne voit pas la bombe. Et là-dessus, on se rapproche aussi de pratiques qui peuvent toucher à un autre média. Non, c'est bien, c'est l'exemple que je m'étais noté de citer, effectivement, mais alors, c'est une tendance que je pense vraiment pas si récente que ça, parce qu'il y a eu quand même, moi je me rappelle de tentatives, c'est vieux dans ma mémoire, de Monopoly interactif, j'avais juste vu les pubs à la télé, j'ai même pas essayé d'approfondir parce que ça me paraissait étrange à l'époque, et d'ailleurs à l'époque je crois que ça a pas très bien fonctionné, je crois que c'était, je dirais qu'il y a bien 10 ans de ça, c'est simple, ça fait 10 ans que j'ai plus la télé, donc c'était avant, mais ouais, c'est effectivement, il y a eu des tentatives, c'est comme si ça ne fonctionnait pas, et là, le transmédia fonctionne mieux, on a des outils qui sont peut-être plus proches, comme tu disais, l'impact de la tablette, des smartphones, qui fait qu'il y a quelque chose qui se crée et qui a été essayé peut-être avant et qui là peut se développer parce que c'est plus commun d'avoir un smartphone ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a aussi autre chose qui est en train d'apparaître, c'est que en fait, il y a 10 ans, il y a peut-être même un peu plus, quand on pensait à faire par exemple un jeu de plateau sur PC ou même assez communément aussi prendre un jeu PC et essayer d'en faire un jeu plateau, en fait on faisait une adaptation très, très littérale et du coup on se retrouvait avec des jeux de plateau excessivement lourds parce qu'essayant d'intégrer des tas de mécaniques PC et qui ne tiennent pas debout sur un jeu de plateau, ou inversement on fait le Monopoly sur Super Nintendo et on se retrouve juste et du coup ça n'exploite pas du tout le... Et je pense qu'il y a eu un gain de maturité là-dessus sur le fait qu'on s'est dit, enfin là par exemple j'avais essayé un jeu qui s'appelle Armello et où le principe c'est globalement un jeu de plateau sur PC mais qui n'existe pas par ailleurs, et je pense que sur en jeu de plateau tout simple, il y a 3 paquets de cartes différentes, il y a dans lesquelles on pioche pour se faire une main, il y a 3 façons de gagner le jeu différentes. Enfin, c'est quand même assez touffu, il y a plein de choses. Et à l'expliquer comme ça, on mettrait déjà 1h30 rien que pour expliquer les règles. Alors que sur ordi, comme il y a plein de trucs qui sont gérés tout seul, ça passe et ça permet de faire des parties relativement courtes, etc. Donc je pense que ce gain de maturité permet aussi de commencer à fluidifier, à faire plus de porosité, comme tu disais. Et pour poursuivre ta réflexion, moi je me suis dit peut-être que on arrive à une génération de game designers et de game designers qui ont un vécu de joueurs et de joueuses vidéoludiques, de société ou rôlistiques, pour un public qui a aussi cette culture-là. Original Divinity Sin, je sais plus quoi, Divinity Original Sin, je me souviens de l'article que j'avais lu, donc c'était sur Canard PC il me semble, où en fait il disait que quand ils ont reçu l'invitation presse pour tester le jeu, il était indiqué une culture ou en tout cas une pratique du jeu de rôle papier est indispensable pour comprendre ce que vous allez voir, et du coup ils disaient putain c'est quand même pas tous les jours qu'on reçoit un truc comme ça, et mine de rien c'est un signe qu'effectivement, on est face à des game designers, des game designers qui ont cette culture-là. On est face à des joueurs et des joueuses qui ont cette culture-là. Et qui, en fait, je me dis que peut-être qu'on commence à avoir des classiques, dans le sens où on commence à avoir des reprises, comme on a des reprises de tubes de rock ou je sais pas quoi. Là, c'est le cas du jeu de rôle papier, de ces mécaniques, mais on retrouve par exemple dans Reigns, le jeu smartphone où en fait on est un roi et on doit dire oui ou non à différents protagonistes, on est ni plus ni moins sur une version améliorée du livre dont vous êtes le héros. Là, donc, truc très papier s'il en est. J'allais prendre un autre cas, c'est la hype qu'il y a eu autour du roguelike, vous savez, ces jeux aléatoires où on meurt avec des niveaux générés de manière procédurale, qui est en fait un vieux truc des premiers jeux vidéo. Donc je me dis, peut-être qu'on arrive à l'ère des, pas des classiques, mais des néo-classiques, c'est-à-dire des choses qui reprennent des choses déjà connues. Il y a de ça. Je crois vraiment qu'il y a une histoire de culture des joueurs et des game designers. Alors, des joueurs, je ne veux pas dire par un effet de lassitude, mais c'est quelque chose qu'on commence à voir depuis un petit moment quand même en jeu vidéo, on commence à le voir aussi en jeu de société avec un grand nombre de joueuses et de joueurs qui ont une culture globale et qui du coup vont pouvoir aller chercher des expériences nouvelles, et notamment en changeant les supports, on peut proposer des choses en termes de game design un peu nouvelles. Et puis pour avoir vu le témoignage sur un jeu que j'ai pu tester récemment, un jeu de société coopératif très intelligent qui s'appelle Magic Maze, le témoignage du créateur qui explique que il est à la base, il a fait du jeu de société il y a très longtemps sans jamais vraiment faire grand chose, qu'il est devenu game designer en jeu vidéo et qui revient au jeu de société avec ce regard là. Je vous parlais d'Unlock tout à l'heure. Unlock, l'apprentissage des règles se fait par un tutoriel, par la pratique avec un scénario qui est exclusivement dédié à comprendre les mécaniques du jeu et comment c'est fait, qui est pour le coup une pratique qui est intensément vidéoludique. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose là-dessus. Je pense que tu y reviendras. J'imagine que tu y reviendras peut-être un petit peu tout à l'heure, Adrien. Mais ouais, il y a quelque chose de la culture. Et finalement, ce qui fait culture, au bout d'un moment, ce n'est pas tant les gens qui s'identifient que la capacité à jouer avec les codes de cette culture et identifier à quel point elle est vaste. Je pense qu'on arrive à aussi une situation où de plus en plus, on va avoir du mal à définir les jeux. Dans le sens où Armello, dont je parlais il y a deux minutes, c'est clairement un jeu de plateau sur PC. Et on pourrait dire que c'est un jeu stratégique, c'est un jeu de gestion, mais c'est aussi surtout un jeu de plateau qui est vraiment matérialisé comme tel sur PC. Il y a des jeux comme Hands of Fate qui est clairement un jeu de cartes. Alors certes, parfois il y a une carte qui fait qu'on déclenche un mode de combat, mais sinon c'est un jeu de cartes avec du deck building derrière où il faut vraiment sélectionner des cartes, enrichir son jeu d'une certaine façon, etc. Et d'ailleurs, on remarque que le deck building est quelque chose qui vient à la mode quand même sur PC. Il y avait aussi Concrete Jungle qui ressemble très clairement à un City Builder, mais qui en fait est un puzzle game où les différentes pièces qu'on va placer sont des bâtiments, mais qui vont avoir des effets de zone de points ou de récolte de points. Ça va faire plus un côté Tetris puzzle game là-dessus, mais c'est toutes des cartes de jeu et on crée son deck et on peut développer des sortes de techno, mais qui sont en fait c'est entièrement de la construction et de la gestion de deck avec des cartes qui servent justement juste à en épurer d'autres, etc. Donc on entre dans des mécaniques purement jeu de plateau ou jeu de cartes pour des jeux qui deviennent presque inclassables sur PC. En fait, le thème des jeux de cartes, ça m'a rappelé, et j'y avais pas du tout pensé au début, mais les solitaires, les frisselles, même le mahjong ou les échecs sur PC, on a tous eu ça pour passer le temps en cours de main à fond, non ? Bon, ou le flipper. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est des éléments où c'était déjà le cas. Pour le coup, c'était exactement un portage sans amélioration, à part les petites animations à la fin quand on avait gagné. Mais avec les cartes qui explosent partout, parce que c'est bien. Et voilà, mais ce qui est intéressant, là, le seul plus que donnait le jeu en version, j'allais dire en ligne, mais non, mais en version PC, c'est qu'on ne pouvait pas bidouiller les cartes. Donc si on n'avait pas le jeu qu'on voulait, ce qu'on peut faire sur un jeu qu'on met sur sa table, on se dit, hop, je vais inverser ces deux-là. Là, ce n'était pas possible. Et en fait, moi, il y a des jeux comme ça qui m'ont permis d'apprendre les règles en jouant sur ces versions-là quand j'avais du temps à tuer, notamment aussi quand j'ai joué, j'aimais beaucoup les échecs. Ça fait longtemps que j'y joue plus, mais j'aimais beaucoup ça et j'adorais jouer comme ça parce que ça m'a appris des trucs de fou, des coups et tout ça que faisait l'ordinateur, parce que de toute façon l'ordinateur il connaît juste des grands coups, voilà, c'est des algorithmes. Et il y a ce côté-là aussi parce que ça bloque, on peut pas tricher avec l'ordinateur. Ça c'est un autre thème, mais bon, pas avec ces versions-là, quoi. Donc voilà. Ça peut quand même avoir un petit plus, même quand c'est un portage tel quel. Ce qui va me permettre une réflexion que j'ai eue tout à l'heure, pour l'occasion, c'était, et au final, avec cette culture vidéoludique, ou ludique en général, va très vite se poser la question de comment on fait pour commencer ? Comment on fait pour commencer à jouer ? Comment on fait pour commencer à se créer une culture de joueur ou de joueuse ? Par exemple, voilà, tu dis on a tous commencé à jouer sur des démineurs, machin. Je sais même pas s'il y en a encore dans les distributions Windows, je crois. Hein. Non, il faut les télécharger maintenant. Il y a un petit module quand tu vas sur jeu et il faut aller chercher et télécharger en ligne le Speeder Solitaire. Ce que j'ai fait, bien sûr. Donc voilà, et par exemple, combien d'enfants ne vont pas connaître Snake ? Combien d'enfants ne vont pas connaître ce trésor du jeu smartphone ? Enfin, smartphone. Smartphone avant l'heure, parce que quand même, il était malin, ce jeu. Donc voilà, j'ouvre la réflexion, et peut-être c'est l'occasion de passer à un autre sujet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cela étant, Snake est toujours accessible sur YouTube. Hein. Quand ça charge, tu bouges les flèches et ça te fait un Snake. Hein. Moi, je suis pas au courant, c'est quoi ça ? Bah, quand tu as le chargement YouTube qui tourne dans le vide, là, mais il faut vraiment avoir une connexion pourrie pour que ça marche. Et ben, tu bouges les flèches du clavier et ça te fait un Alors peut-être que c'était dans une ancienne version de YouTube et que ça marche plus, hein, mais à une époque ça a marché. Mais c'est trop bien, je vais tester, je vais essayer de me connecter sur une box super loin, rien que pour que ça charge longtemps. Je garantis pas, ils ont peut-être qu'il y a eu une mise à jour qui fait que ça marche plus. Hein. On vous redira. Du coup, j'ai voulu prendre le micro pour passer à la suite parce que mon sujet... mon sujet en fait est complémentaire. Mais je me fais enculer en plus. Oui, je reprends ma phrase. Mon sujet en fait c'est pareil, c'est sur la transversalité, sur aussi une tendance de jeu. Narration et jeu. L'idée m'est venue parce que j'ai lu un article de Numérama il y a quelques mois, en mai. Et le titre était un peu racoleur, c'était « Le jeu vidéo est-il vraiment meilleur sans narration ?» Donc j'ai tout de suite cliqué parce que ça me paraissait étrange. Alors l'article était lui-même une réaction en fait à un post d'un chercheur et game designer, Yann Bogost, qui avait écrit un article qui est disponible en anglais, hein, qui dit que les jeux vidéo en fait sont meilleurs quand ils ne racontent pas d'histoire. Et cette problématique-là m'a vraiment intriguée parce que je me suis dit, mais non, mais les jeux, ça raconte toujours une histoire. Tous les jeux racontent des histoires. Et en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'effectivement, en fait, ça abordait des thèmes comme le rapport entre la narration et l'interactivité. Normalement, la narration, c'est quelque chose de statique. Du coup, je suis allée vérifier, je suis allée prendre des définitions. Mais c'est un récit détaillé avec une structure. Situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, résolution et situation finale. Je révise mes cours de sixième. Et de l'autre côté, l'interactivité, c'est au contraire, c'est une activité qui nécessite de la coopération entre plusieurs êtres ou systèmes qui agissent en ajustant leur comportement. Merci Wikipédia pour les définitions. Et quand on prend vraiment juste les définitions de base, on se rend compte que là, oui, il y a un problème. D'un côté, on a un terme qui relève de la structure, de quelque chose qui est rigide, et l'autre qui demande au contraire une coopération, mais aussi une adaptabilité. Et à partir de ce point-là, en fait, c'est vrai que c'était intéressant de voir les deux éléments mis face à face, notamment parce que l'auteur de base, en fait, prenait surtout le cas des jeux qu'on dit Walking Simulator ou Environmental Storytelling, désolé pour l'accent, qui sont des jeux de type What Remains of Edith Finch, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en fait, qui est dans la même vague que, à mon goût, Life is Strange ou Gone Home, qui sont pas des point and click, mais pas loin, qui sont là où, en fait, tu es juste là pour être dans une histoire, suivre le personnage, mais d'un autre côté, tu as quand même beaucoup de choses que tu peux faire, en fait, où tu peux influencer le joueur. Hein. Et l'auteur de base disait que non, le jeu n'est pas... pas du cinéma, le jeu n'est pas de la littérature, et qu'à vouloir faire les deux, vouloir faire à la fois du jeu interactif et à la fois du cinéma, bah en fait, on faisait mal les deux. Sauf que, en fait, en travaillant un peu plus cette idée-là, et aussi en me concentrant sur ce que disait une autre auteure et chercheuse qui est Marie-Laure Ryan, qui elle est spécialiste de narratologie, de fiction, cyberculture et transmédia. Donc c'est bien, elle avait toutes les cordes à son arc pour pouvoir répondre à ces questions, et je suis contente que Numérama l'ait interviewée à ce sujet-là. C'est que en fait, oui, d'un côté, on a des médiums qui sont pour la narration, cinéma, littérature, théâtre aussi. D'un autre côté, on a le jeu vidéo qui est plus dans l'interaction, qui est là pour, au contraire, que le joueur se crée une histoire. Hein. Mais le fait que le jeu puisse permettre de présenter des objets de manière unique, par exemple, en donnant une histoire à une carte postale qu'on va trouver, à une boîte qu'il va falloir ouvrir pour découvrir des objets, il n'y a que l'histoire qu'il y a autour, donc la narration, qui va pouvoir donner du sens à ces éléments de jeu et pouvoir construire les actions que va pouvoir faire le joueur, en fait. Donc c'était ces questions-là, en fait, sur cette tendance du jeu à vouloir de plus en plus raconter des histoires à la façon des séries télé, ainsi de suite. Hein. On voit l'essor des séries. et de se concentrer moins sur une expérience de jeu que d'une expérience d'immersion dans une histoire. Je pensais là à Gone Home, moi que j'ai adoré du début à la fin, que j'ai trouvé absolument incroyable. Life is Strange, que j'ai pas fini mais qui m'a beaucoup touchée. Et c'est là où on voit aussi que ne serait-ce que littérature et jeux vidéo sont quand même extrêmement liés, parce que bon, déjà il y a beaucoup d'adaptations de bouquins, The Witcher entre autres, qui s'inspirent de la littérature, mais on a aussi beaucoup des auteurs qui finissent par aller dans le jeu vidéo. Et Life is Strange est un bon exemple, parce que le studio qui l'a écrit, Dontnod, il y a Damasio, qui est auteur lui-même, et un grand auteur, notamment pour La Horde du Contrevent, qui fait partie... il n'a pas beaucoup participé à Life is Strange, mais il a notamment travaillé sur Remember Me. Et voilà, c'est, je pense que son expérience d'auteur, de créateur, de monde immersif a pu contribuer au contraire à faire des jeux type Walking Simulator plus complets, en fait, se concentrer sur le fait de raconter une histoire. Je pense que, pour moi en tout cas, de mon point de vue, c'est que c'est aussi beaucoup une question de public visé. C'est-à-dire qu'on va avoir des publics visés qui ont un fort besoin de structure, justement quand le jeu vidéo va être une porte d'entrée. Si ça ressemble à du cinéma ou à une série télé, c'est parfait, quoi. Qu'il y ait une structure qui nous dit quel est le sens effectivement des choses et des actions, etc. Ça va dans le sens du jeu, je trouve. C'est pas à mettre à contre. Enfin, moi, je comprends pas cette tendance à mettre en contradiction la narration et le côté ludique. Je trouve que les deux s'accompagnent très très bien la plupart du temps. Et en revanche, il y a des fois où on a un public de gens qui ont l'habitude de se raconter des histoires dans leur tête, et que mettre une couche de narration au-dessus, peut-être que ça irait juste les perturber. Et je pense à Dwarf Fortress. Dwarf Fortress, c'est un jeu de simulation de colonie naine. Donc en fait, les gens qui ont l'habitude de jouer à Dwarf Fortress disent qu'ils voient la matrice, parce que le graphisme, ton perso, t'as des persos, mais pour donner une idée, tous les graphismes, c'est de l'ASCII, en fait, c'est des lettres de l'alphabet, c'est des signes, des pourcents, des machins, tout ça. Du coup, en fait, pour quelqu'un qui arrive devant ça, il fait « qu'est-ce qui se passe ? Ton chat est passé sur le clavier ?» Enfin, c'est complètement illisible. Mais en fait, les gens qui ont l'habitude de jouer à ça, ils finissent par lire la matrice, ils finissent par dire « ah, regarde, là, il y a des nains, ils sont en train de boire, machin. » Enfin, ils ont creusé trop loin, il y a un balrog qui est réveillé, etc. Ils sont à fond dedans. Et ils se racontent des histoires. Et pour ça, effectivement, toute la narration qu'il pourrait y avoir dans le jeu, justement, c'est en mode roguelike, elle est générée procéduralement, et il y a des faits historiques marquants, des légendes, etc., qui sont générées procéduralement, et c'est ce qui suffit. Donc moi, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est pas à opposer, c'est juste une question de public. On est d'accord qu'on reste sur le jeu vidéo, hein. On peut apporter d'autres aspects, hein. Parce que c'est quand ces questions-là deviennent infiniment complexes quand tu commences à rentrer dans l'équation le jeu de société et le jeu de rôle. Évidemment. Je voulais juste revenir sur Remember Me. Nous, on a du bol, on est à Rennes, on n'est pas loin de Nantes. Du coup, on peut facilement aller aux Utopiales en octobre. Et Alain Damasio a son rond de serviette là-bas. Il y a parlé à plusieurs reprises de Remember Me, alors qui, pour le coup, est tout sauf un walking simulator, parce que c'est quand même du gros jeu d'action, mine de rien. Et justement, il s'est confronté à cette contradiction de vouloir porter un propos dans un jeu où on peut faire du scoring. Dans un jeu où on peut tracer les niveaux et défoncer les boss, et où c'est pas simple de porter un propos sur ce que c'est que la société moderne et sur ce que c'est que l'invasion de la technologie dans l'être humain, quand le joueur il est là pour défourailler, quoi. Et c'est vrai que elle est compliquée, cette histoire-là. Ouais, quand on met du scoring, il peut y avoir des complexités à faire passer de l'histoire, et de façon générale sur le jeu qui a quand même souvent des caractéristiques un peu répétitives. Faire passer de l'histoire, c'est pas évident. Il y a des jeux qui s'y prêtent vraiment bien. Moi, j'ai joué à Oxenfree il y a pas très longtemps, qui est pas un walking simulator, mais qui est quand même un jeu qui est basé à peu près exclusivement sur les dialogues que les personnages vont avoir entre eux. C'est très très chouette, mais effectivement j'attends pas spécialement d'histoire quand je joue à Plants vs Zombies. Et il n'y a pas nécessairement vocation à, et effectivement c'est pas les mêmes expériences de jeu. J'entends le propos de Yann Bogost parce que c'est un truc de fond, j'ai l'impression, dans le jeu depuis longtemps, de effectivement on veut faire des jeux à la... Walking Dead, où on va raconter une histoire aux gens et où ils vont faire un petit choix de temps en temps, une espèce de film interactif. Et on y perd en game design ce qu'on y gagne en narrative design. C'est toujours un peu compliqué suivant ce qu'on préfère et suivant ce qu'on trouve intéressant et propre au jeu, me semble-t-il. Et puis après, on fait du jeu de rôle et on a des mécaniques qui sont faites pour produire des histoires. Alors là, c'est le bordel. Voilà, là, c'est juste le merdier. Le contenu fictionnel malléable, comme dirait notre ami Romaric Briand de La Cellule. Et je vous invite à lire Maelstrom, l'ouvrage donc, où il détaille un peu sa pensée sur comment le jeu de rôle produit du récit. Ce débat que tu soulignes, je pense qu'il faut faire peut-être un pas de côté là-dessus, entre effectivement les réflexions en termes de gameplay ou de narratologie qui peuvent émerger, et l'usage. Comment on utilise un jeu ? Qu'est-ce qui nous motive à jouer ? Qu'est-ce qui fait qu'on se tourne vers tel ou tel jeu ? Pour moi, il y a une sorte de promesse d'expérience. Quand je me tourne vers, un Zelda, par exemple, je m'attends à une certaine expérience. Quand je joue à Dwarf Fortress, je ne m'attends pas à voir des Mickey, des trucs très colorés avec des champignons. Voilà. Et pareil, de la même manière, maintenant on remarque de plus en plus de jeux qui se font en une heure. Voilà, tu payes 20 euros, 15 euros, moins ou plus, pour un jeu qui se termine foncièrement en une heure, sans trop de difficultés. Et voilà, c'est en fait comme si tu te payais un cinéma. Donc je pense que, ouais, il y a sur la fiction, sur l'espèce de scission entre fiction et gameplay, je pense qu'il faut peut-être creuser la promesse. Quelle est la promesse dans tel ou tel jeu ? Tout comme, par exemple, quand je vais voir Machete, je ne m'attends pas à voir du Godard. Voilà, je prends des cas très extrêmes, mais je pense que c'est pareil. Et quand on se tourne vers un jeu narratif, quel qu'il soit, que ce soit jeu de société, jeu de rôle, jeu vidéo, on n'a pas les mêmes attentes qu'un jeu tourné gameplay. Moi, ça me rappelle les interminables discussions en sortant du cinéma où j'arrêtais pas de gueuler parce que le scénario tenait pas debout et que mes potes me disaient on s'en branle, c'est un film d'action. Et voilà, je pense que sur tous les médias, il y a cette histoire-là d'attente qui sont dépendantes finalement de la promesse. Puis je pense qu'il y a aussi une question de légitimité aussi. Pour le jeu vidéo, là je cible sur ce point-là, c'est... moi, j'ai l'impression, dans cette tendance de ces jeux-là, What Remains of Edith Finch, Life is Strange et compagnie, qu'il y a une recherche de légitimité dans le jeu vidéo pour pouvoir raconter des histoires. Une sorte d'espoir que ce soit le nouveau cinéma du 21e siècle, en fait, de créer du... Je vous vois rigoler. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté d'arriver à un huitième art, de dire non mais regardez, le jeu vidéo c'est pas pour les noobs. Essayer de sortir des clichés qu'on a pu avoir dans les années 90, qu'on évoque de temps en temps dans certains podcasts, que ce soit pour les rôlistes, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, ou les jeux de société sont un peu plus épargnés, mais pas complètement. Je me rappelle Mathieu Triclot qui disait que les jeux de société, c'était un peu ses souvenirs d'enfance avec les parents qui disent « Allez, on va jouer au Monopoly, tous en famille !» C'est ça. Oui, c'est vrai. Il y a quand même ce point-là. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi ce besoin de légitimité, de dire non, c'est un vrai média. On fait quelque chose de qualité avec du scénario, avec du graphisme, avec dire qu'il y a un vrai travail derrière, en mon sens. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, je dis au contraire. Moi, ce que ça me ferait surtout dire, c'est que du coup, il faut qu'on fasse venir les deux spécialistes que tu as mentionnés en saison 4, en fait. Alors, ils sont anglophones, donc décalage horaire oblige, et podcast en anglais. Et sur les réseaux sociaux, commentez. Si ça vous dit un podcast en anglais, on peut essayer. Ça se tente. À qui le tour ? Céléné, tu veux peut-être effectivement évoquer ton sujet qui, toi, est plutôt tourné jeux vidéo, si j'ai bien suivi. Eh bien, pas seulement. Ah, bah oui, parce que j'ai bien dit contenu téléchargeable. Et en fait, c'est là la nuance que je vois. C'est-à-dire que quand on dit contenu téléchargeable, on est vachement influencé par Steam et par sa nomenclature. Parce qu'effectivement, Steam nous dit contenu téléchargeable et il nous cite plein de trucs payants. Mais en fait, les contenus téléchargeables, c'est pas à l'origine, c'est pas payant. Enfin, moi, je me souviens très très bien qu'on a eu quand même une belle période de modding et de plein de gens qui mettaient à disposition gratuitement, alors dans la grande période de Half-Life et autres, hein, mais gratuitement plein de contenu. Alors certes, c'était souvent du contenu non officiel, mais qu'est-ce que c'est la légitimité de l'officiel finalement ? Si des gens mettent à disposition un contenu qui marche très très bien, après il y a l'accord finalement des éditeurs ou non, parfois ils le donnent, parfois ils le donnent pas, mais ça c'est une question d'autorité finalement. Donc voilà, des contenus téléchargeables qui étaient mis à disposition gratuitement, et cette question de l'autorité et de la légitimité, elle s'est renforcée au fil du temps, parce qu'on a très bien vu que, et ça c'est une tendance relativement récente, c'est apparu dans les dernières années, particulièrement par rapport au Fallout par exemple, pour Fallout New Vegas et pour Fallout 4, c'était apparu des mods faits par des fans et qui sont devenus payants sur la plateforme éditeur. Et là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'est créé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité qui s'est aussi créée non seulement par la plateforme, mais aussi par le fait que l'éditeur a commencé à dire « Oui, mais d'accord, mais ces créateurs indépendants, ils doivent être rémunérés aussi et vous allez passer par notre plateforme pour les payer. » Donc ça entretient aussi un modèle. Mais il n'y a pas que le jeu vidéo qui est touché. C'est-à-dire que je me souviens très bien aussi que, dans les années 90, début des années 2000, il y a quand même un certain nombre de jeux de rôle, de jeux de plateau, qui ont inclus, à partir de ce moment-là, sur Internet, des aides de jeu, des scénarios, C'est toujours le cas, hein, y compris sur les sites d'éditeurs. Oui, oui. Bah, je disais à partir de ce moment-là. Moi, je me souviens très très bien du jeu Trinité, par les 12 singes. Donc là, on était aux alentours 2005-2006, par là, qui fournissait tout plein de matos. Et puis, il y avait une newsletter aussi où on pouvait se documenter, imprimer du matériel, des cartes, etc., qui enrichissait réellement l'expérience de jeu. Et plus récemment, en touchant plus aux jeux de plateau, il y a Zombicide aussi. Là, c'est plus dans les années 2010, mais Zombicide qui fournit une quantité astronomique de scénarios sur son site. Là, on touche à un aspect intéressant aussi, c'est qu'ils sont classés par extension. On peut les classer par extension. Mais du coup, ça devient un argument commercial. Parce que en voyant les différentes extensions, on coche la case en sélectionnant que celle qu'on a, on voit que la liste se réduit considérablement, on va voir un petit peu les autres, on se dit « Ah, mais finalement, peut-être que telle extension, elle a l'air d'apporter des trucs bien. » Et là, on touche aussi au modèle économique. Alors, c'est certes par le biais du modèle économique qu'on a beaucoup vu les DLC sous l'appellation dont on les appelle souvent sur le jeu vidéo et notamment via la plateforme Steam. Tant et si bien qu'en 2011, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelait DLC Quest et où le principe, c'est que c'était une espèce de petit RPG où dans le jeu, on débloquait des crédits pour acheter des DLC qui amélioraient le jeu. Enfin, quasiment au début du jeu, on débloque le son, on débloque la couleur. Enfin, c'est très parodique. En fait, c'est vraiment une façon de nous faire réfléchir aussi à la mécanique du DLC, parce qu'effectivement, il y a eu des abus, ou alors on pourrait dire des gens qui prenaient les joueurs et les joueuses pour des vaches à lait, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec des jeux, même des jeux très très bons comme Crusader Kings 2 ou Warhammer Total War ou d'autres jeux comme ça, pour parler vraiment d'exemples récents, on se rend compte que l'essentiel du prix du jeu, il n'est même pas dans les 50 ou 60 euros de base, il est dans les 120 euros de DLC qui vont avec. Et effectivement, c'est tout de suite non négligeable, parce que quand tu achètes que le jeu de base, tu te rends compte qu'en fait, tu es verrouillé un petit peu partout dans ton expérience de jeu et que tu es obligé de fournir l'argent supplémentaire. Là où ça m'a vraiment marqué, c'était sur du jeu vidéo, Fire Emblem Awakening, sur, désolé l'accent, hein, mais sur 3DS, où là, c'est encore plus frappant parce que tu achètes ta cartouche de Fire Emblem, tu la mets dans ta console, tu n'as jamais connecté ta console à Internet, jamais. Tu n'as même pas rentré de code, tu n'as pas configuré le Wi-Fi. Enfin, pour être plus précise, même j'avais essayé, je n'avais pas réussi, donc y a aucune chance que ça marche. Et en fait, au bout de quelques niveaux de jeu, au bout d'un moment, il y a le choix entre deux arborescences et on essaye d'aller à un niveau et là, ils disent, vous devez télécharger le DLC. Et là, tu te dis, attends, le jeu, il est sorti. De base, ils avaient déjà prévu qu'il y avait des zones qui étaient verrouillées pour faire des DLC. Aussi bien sur PC, ça passe beaucoup mieux parce qu'on est connecté en permanence et on se dit que ça a été rajouté après et voilà. Mais sur un jeu vidéo comme ça, en cartouche, la pilule est très dure à avaler. Mais... Ouais. Je vais juste ajouter un cas récent qui est assez emblématique, c'est Street Fighter V, où, qui a été vendu donc un peu... On disait, voilà, tel perso va arriver à tel mois. Et en fait, quand on a regardé le disque du jeu qui était sorti en boîte, les persos étaient déjà dessus. Ils étaient déjà dessus, mais bon, bah voilà, il faut faire attendre. Il faut créer justement des événements qui vont faire que les joueurs reviennent sur le même jeu et continuent de consommer et de jouer dessus. Oui, et c'est là où je trouve qu'il y a aussi un élément de gestion de communauté dans la mécanique du DLC et plus précisément... de la feature que tu vas débloquer au bout d'un moment. Pour revenir juste deux secondes à ce que je disais aussi, dans Crusader Kings 2, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une mécanique de mise à jour du logiciel qui n'est pas vraiment une mécanique de DLC, en fait. Le logiciel se met à jour régulièrement, ils ajoutent des nouvelles features, ils codent des nouvelles mécaniques, et en fait, en achetant le DLC, tu ne télécharges rien de nouveau, tu débloques juste la possibilité. Par exemple, quand ils avaient codé... la culture musulmane, quand ils avaient inclus la possibilité de jouer les sultans, les califes, etc. En fait, ils ont intégré au jeu directement toutes les mécaniques qui allaient avec. Et on pouvait, quand on jouait des royaumes chrétiens, etc., voir ces mécaniques se passer dans les royaumes non-joueurs. Et c'est en achetant le DLC, on pouvait juste débloquer le fait de commencer avec. C'est assez frappant. Mais il y a un aspect de gestion de communauté qu'on voit très bien. Moi, je pense notamment à Renown Explorer, j'ai du mal à le dire, les Explorers renommés en français, mais il n'a jamais été traduit comme ça, mais qui est un jeu plus d'Indiana Jones, quoi. Enfin, on va partir dans des contrées inexplorées, ramener des trésors, etc. Et où j'ai vu un truc qui était... assez intéressant. Bon, ils sortent des DLC comme tout le monde, c'est pas la question, mais ils font des mises à jour régulières aussi, où ils ajoutent du contenu gratuitement. Et il y a certaines des mises à jour, en fait, régulièrement, toutes les semaines, ils vont mettre des challenges auprès de la communauté des joueurs et de joueuses. Et dans ces challenges, il y a des fois où ils disent, et si, alors, si vous faites, on va vous faire un classement de scores, il y aura un premier, un deuxième, etc. Mais en plus, on va ajouter vos scores cumulés à tout le monde. Et, si ça... et là, ils font des paliers de crowdfunding. Ils disent, si vous dépassez tel score, il y aura telle et telle feature dans le prochain DLC. Si vous dépassez tel... Donc en fait, ils ont vraiment une mécanique de gestion de communauté. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant aussi de voir comment, là récemment, Nintendo essaye de développer son modèle de façon... Là, par exemple, pour Zelda Breath of the Wild, quand ils ont sorti le jeu, il y avait le DLC en vente, mais il n'y avait rien dedans. Il y avait, dans la zone de départ, il y avait trois coffres. Il n'y avait rien dedans. Et en fait, ils ont prévu donc, un DLC qui vient de sortir, là, il est sorti il y a quelques jours, et un autre qui va sortir à la fin de l'année, où il y a du contenu. Alors, ça leur a permis de prendre le temps de le sortir, mais en plus, c'est du contenu, ça les arrange bien de les sortir en différé. Par exemple, le DLC qui vient de sortir là, ils ont rajouté une feature pour qu'on puisse revoir le film de ses déplacements sur la map. Et ça, en fait, ça les arrange de ne pas l'avoir sorti tout de suite. Parce que sorti tout de suite, ça aurait été complètement intégré au jeu et les gens, en jouant, auraient vu au fur et à mesure et ils n'auraient pas fait forcément gaffe. Mais maintenant qu'il sort en décalé plusieurs mois après la sortie du jeu, les gens relancent le jeu, revoient le film de leur partie, en rediscutent. Et là, il y a aussi un aspect de gestion de communauté qui est intéressant. Donc ouais, j'ai l'impression qu'avec peut-être... J'espère, après, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais ça, c'est mon habitude. Peut-être que la pratique du contenu téléchargeable peut gagner en maturité aussi. Et peut-être qu'ils peuvent réussir à intégrer des pratiques communautaires. Alors certes, centré autour du fait de gagner de l'argent, mais après, c'est aussi le travail de l'éditeur. Donc, on peut se poser plein de questions philosophiques par rapport à ça, mais j'ai remarqué un truc qui donne aussi de l'espoir. C'est par rapport au jeu This War of Mine, qui est un très très beau jeu, étant donné que Voilà, ça c'est un très très beau jeu parce que vraiment on va jouer pendant la guerre le siège de Sarajevo et on va jouer des gens, des civils qui vont essayer tant bien que mal de survivre. Et enfin c'est très très sombre. En plus ils ont fait un DLC, enfin qui est vraiment une expansion où on joue, enfin qui rajoute en fait les enfants. Le DLC s'appelle The Little Ones et on joue, ça rajoute les enfants qu'il faut protéger, qui servent à rien mais qui donnent du moral aux gens. Enfin et qui sont des bouches à nourrir en plus. Enfin c'est vraiment très très cruel. Mais en plus, ils ont un DLC qui existe, qui est à part, qui ne contient globalement quasiment rien, en fait, qui contient rien en contenu de jeu, en tout cas, qui contient du street art d'artistes qui ont contribué à enrichir le jeu, etc. Mais qui a trois prix différents. Il peut coûter 1 euro, 10 euros ou 20 euros. Alors, c'était 0,99, etc. Mais bref, en arrondissant, selon le choix de la personne qui achète, en fait, voilà, le prix est globalement libre sur ces trois chiffres. Mais en fait, c'est parce que l'intégralité des bénéfices sont reversés à des associations d'enfants de guerre, en fait, d'orphelins de guerre. Et là, on se dit, là, le DLC arrive à aussi une nouvelle dimension quand les éditeurs proposent un contenu finalement prétexte pour faire un don sans en rien en gagner eux-mêmes. C'est que je pense qu'on peut arriver aussi à d'autres pratiques. Sur les jeux mobiles, je sais qu'il y a une pratique comme ça pour au moins deux événements par an qui sont, je crois que c'est la journée de la Terre et il me semble que c'est une journée de lutte contre le sida, où énormément d'applications et notamment des jeux proposent des versions spéciales avec un DLC dont tous les revenus sont versés sur la cause en question. Si vous passez sur l'Apple Store un jour et que vous voyez toutes les applications en rouge ou en vert, c'est que vous tombez sur ces journées-là et généralement il y a un ou deux personnages il y a des petits trucs en plus qui sont de cet ordre-là. Effectivement, le DLC caritatif, ça peut être une piste, ça peut être une piste intéressante. Moi j'ai une info récente dont j'ai vaguement entendu parler qui me donne moins d'espoir, c'est qu'on a aussi le DLC nostalgie qui reste quand même très très présent, parce qu'il me semble que sur Diablo 3, le nécromancien, personnage historique de Diablo 2, qui avait marqué beaucoup de joueurs, qui existait dans une extension, me semble-t-il, là arrive en DLC avec juste un personnage supplémentaire. Alors c'est du vrai contenu et c'est des vraies innovations de gameplay, mais jusqu'ici, la tradition chez Blizzard, c'était plutôt de sortir une extension avec de l'histoire en plus. Et là, effectivement, le fait de mettre le personnage en DLC comme ça, ça fait froncer les sourcils à pas mal de joueurs. C'est compliqué, mais comme dans les DLC, on a aussi vraiment, je trouve, deux grandes catégories. La première qui sont en gros les skins et tout ce qui est esthétique. Et puis de l'autre côté, le contenu jouable. Et je ne sais pas trop comment me situer par rapport à ça sur l'esthétique. Je me dis, s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir un skin, à la limite, les gens de marketing auraient bien tort de se priver. Sur le contenu jouable, s'il est nécessaire, ça devient effectivement un petit peu délétère comme logique. Si c'est un vrai plus, quasiment une extension, on est dans la logique de l'extension, mais à une époque où on n'a plus besoin d'acheter un CD supplémentaire pour bénéficier de l'extension, quoi. Ouais, c'est moi ma remarque complète la tienne. C'est il y a aussi ce côté où ça veut dire que quand on est éditeur de jeu, on peut sortir un jeu pas vraiment fini, ne pas l'aboutir complètement et se dire oh, c'est pas grave, il y aura les DLC. Alors, je caricature bien sûr, mais c'est vrai. Moi j'ai longtemps été une joueuse console où sur ma PS1 et ma PS2, on achetait les jeux et puis il y avait que ça quoi. C'était alors il y avait quelques extensions, mais je m'en souviens pas vraiment. Je sais que j'avais des copains qui avaient des jeux avec extension, mais moi, je n'ai pas vraiment joué. Je comprends avec autre chose. Mais voilà, c'était un jeu abouti. Il était fini. Alors, il était bien, pas bien, mais c'était un jeu fini. Donc, voilà, ça, c'est juste la question un peu avocat du diable. Est-ce que ça ne peut pas faire aussi un côté délétère? C'est, on sort des trucs pas trop finis, on regarde ce que les joueurs disent et hop, on va aller juste développer pile ce qu'ils veulent. Mais on aurait même pu faire un sujet à part entière aussi sur le fait que vendre des jeux pas finis, maintenant on le fait en le mettant l'étiquette dessus, jeux pas finis, c'est les jeux à accès anticipé. Enfin, maintenant on vend des jeux, et ça c'est une tendance qui se prolonge depuis plusieurs années, mais ça s'accélère vraiment, il y a de plus en plus de jeux comme ça. effectivement, tu les achètes, ils sont pas finis, c'est affiché, c'est complètement assumé. Et là, c'est pas avec des DLC, c'est petit à petit, dans les mises à jour, tu vas avoir des features en plus et tu vas pouvoir accéder à un contenu supplémentaire, un contenu téléchargeable qui sera pas payant parce que tu as payé pour ton jeu et en fait, tu as payé pour une version finale alors qu'il est... Enfin, tu savais très bien qu'il n'était pas fini. Mais oui, je pense que cette tendance aussi aux accès anticipés, peut-être encore mon éternel côté optimiste, mais a tendance à désamorcer cette tendance à vendre un jeu pas fini en disant qu'il est fini et à rattraper le coup en sortant les DLC après. Bah, maintenant, comme on peut assumer le fait que le jeu n'est pas fini, on ne va pas s'en priver. Et on fait même pire maintenant. On fait même pire, on sort des consoles pas finies. Rappelez-vous, quand les PS4 et la Xbox One sont sortis, il fallait obligatoirement faire la mise à jour Day One, et qui prend des heures et des heures. Donc c'était quand même bien moche. Bon, après, maintenant, on sort même des PS4 Pro et des Xbox One X. Donc en fait, c'est... Ah oui, au fait, à l'époque, on n'avait plus de budget pour faire vraiment ce qu'on voulait. Maintenant, ça y est, vous l'avez, vous pouvez profiter en 4K. Donc, oui, je pense qu'il faut méfiance garder et retourner sur PC comme tous les vrais. c'est du troll gratos, je m'en excuse. Je vais en revenir à un autre truc qui est très PC. Donc c'est le cas du modding, où là, en fait, on parle de gens sur leur temps libre développent des choses et voire même refont des choses aussi ambitieuses que le jeu original. Je pense notamment aux gens qui modent la série des Elder Scrolls, jeu de rôle s'il en est. On a eu par exemple Morrowind qui a été réadapté après avec le moteur du jeu suivant qui était Oblivion de mémoire. Ensuite on a eu Oblivion qui a été adapté avec le moteur de Skyrim et là je crois que Skyrim a été refait entièrement et je crois que c'est Elderwind le mode en question qui promet ni plus ni moins que 150 heures de jeu. Voilà, ça se pose là. Donc c'est pour dire que en fait on voit qu'il y a ce vivier de créateurs et de créatrices dans la sphère du modding qui font un travail qui est parfois aussi bien, si ce n'est meilleur que celui de professionnels. Et du coup, les éditeurs ne savent pas trop comment gérer ça. Par exemple, donc Bethesda, l'éditeur de la série Elder Scrolls, donc Morrowind, Skyrim, etc., a justement, là, à l'E3, le salon du jeu vidéo qui a eu lieu le mois dernier, dit que maintenant, il y aurait un club, je crois que c'est le Bethesda Club ou quelque chose comme ça, où on va pouvoir payer des gens, des modeurs, sauf qu'évidemment, Bethesda touche sa com dessus. C'est peut-être de bonne guerre, je ne sais pas, alors que avant c'était gratuit. On peut se poser la question. Et aussi, autre truc qui a marqué donc, le mois dernier, c'est le cas de GTA. Le cas de GTA, il est hyper intéressant parce qu'on a donc GTA 5, il doit avoir 4 ans, peut-être même 5 ans là maintenant. Et en fait, il continue à faire des millions, à produire des millions. C'est une des meilleures ventes de l'année dernière en tout cas, et probablement de cette année encore. Parce qu'ils ont une politique où ils alternent DLC payant et donc DLC gratuit. Et surtout, ils ont une communauté de modeurs complètement folle. Si vous voulez avoir GTA avec la police française, faites-le, c'est un régal. Voilà, enfin c'est assez fou. Et après, on peut avoir tout et n'importe quoi. Voilà, avec Police Nationale, c'est assez génial. Et en fait, l'éditeur de GTA, donc ce n'est pas Rockstar, c'est Take-Two, donc vraiment la personne qui a les gros sous, a dit non mais ça y est, c'est terminé. On va supprimer, on va exclure toute personne qui a une connexion Internet et qui a un mode sur sa version de jeu. Ça a fait beaucoup, beaucoup criser la communauté, vous pouvez vous en douter. Et Rockstar, le créateur de la série GTA, a dit « Non, mais vous êtes complètement malade. Vous allez quand même vous couper de presque la moitié de la communauté. » Et finalement, Take-Two a reculé. Mais c'est pour dire voilà, qu'actuellement, on ne sait pas trop quoi en faire de ces contenus téléchargeables. Moi, j'avais deux trucs... Alors j'en ai un peu contradictoire. Hein. Moi je trouve que ça pose la question de, vous l'avez dit tout à l'heure, on sort des jeux pas finis. Quand est-ce qu'on peut considérer qu'un jeu est fini? C'est peut-être aussi une évolution du monde du jeu où effectivement un jeu, bah, ça vit, ça évolue, et contrairement à un film, bah, et même pour les films, la question peut se poser aussi. Le jeu à sa sortie initiale n'est pas nécessairement fini, mais est-ce qu'il a vocation à être fini un jour? C'est pas certain. Dans les films, avec tout ce qui est logique de Director's Cut, version alternative, version remontée, à quel moment on a le vrai film ? Quel est le vrai film ? Il y a encore une culture de l'écran qui fait que la logique, c'est plutôt de dire c'est le film qui sort sur grand écran. Mais c'est pas si évident. Il y a eu des films qui sont sortis à Cannes qui ont été remontés avant leur sortie publique. En jeu print, je parlais de mes marottes, hein. Jeu de rôle, jeu de société, on pourrait presque croire que, pour le coup, cette limite-là, elle est beaucoup plus claire. Quoi. Le jeu est fini quand il est imprimé, publié, parce que on peut difficilement modifier un jeu a posteriori, même si en jeu de rôle, il y a quand même une logique d'extension depuis très longtemps qui existe, qui fait que tu as des jeux qui se jouent, par exemple, en gamme ouverte ou en gamme fermée même, où tu sais que tu vas avoir l'histoire qui se poursuit sur une campagne, sur plusieurs modules. Et même en jeu de société, je vous parlais d'Unlock un peu plus tôt, Unlock propose des scénarios à télécharger qui sont disponibles dans l'application. Si le scénario... pas l'histoire, mais en tout cas l'univers de jeu et puis les codes à rentrer sont disponibles dans l'application. Mais effectivement, il faut télécharger ces petites cartes, se les fabriquer soi-même pour en profiter en plus. Et effectivement, pour un joueur qui n'a pas Internet, c'est rare, mais ça existe, du coup, il peut voir dans l'application des scénarios dont il ne dispose pas dans la boîte, ce qui peut toujours être un petit peu perturbant. Mais en tout cas, on a cette logique d'un jeu qui continue à vivre passé sa sortie initiale. Ça a plein de défauts, je trouve que c'est pas inintéressant aussi parce que ça crée vraiment une vie différente. Et puis quand tu parlais de communauté, évidemment, à une époque où l'économie de l'attention est une vraie problématique, ressortir régulièrement du contenu supplémentaire, ça fait, je crois que c'est Adrien qui l'évoquait tout à l'heure et puis toi aussi Célène, ça fait revenir les gens sur un jeu où on sait que, j'ai déjà entendu maintes fois, hein, qui a déjà fini toute sa bibliothèque Steam. Ça me fait penser aussi, il existe des formes de mode faites par des fans pour des jeux papier. Je pense la communauté Harry Potter a, décliné tous les jeux possibles et imaginables en les Harry Potterisant, si je puis dire. Il suffit d'imprimer, alors quatre feuilles A4, de les coller pour en faire un Monopoly. Alors après, ils ont sorti le Monopoly Harry Potter, hein, mais avant ça, c'était possible pour imprimer même des cartes à jouer, hein, 54 cartes. Voilà, c'est des modes de fans pour Harry Potter où je vois, c'était un tweetos là, qui avait fait un Mario Kart. Il jouait sur ce jeu de mots-là, tout bête, et il en avait fait tout un jeu de cartes avec plein de personnages Nintendo. C'est Thomas Hercouet, si vous voulez le suivre. Voilà, c'était absurde, mais c'est drôle, parce que je pense que cette blague-là avait déjà été faite. Et c'est un mode par un fan qui adapte un jeu qui existe. Ce que tu disais, Adrien, tout à l'heure aussi, par rapport à... aux modeurs qui deviennent rémunérés, etc. Ça me fait penser aussi à un très bon exemple de Civilization 4 qui avait un mode donc non officiel qui s'appelait Fall From Even, qui était un mode tellement complet et complexe et riche. En fait, c'était vraiment le mode Medfan pour Civilization 4 où on jouait des races différentes qui avaient toutes leurs backgrounds, etc. C'était hyper complet. Et en fait, le type qui a fait ça, il s'est fait embaucher par la boîte, quoi. Enfin, mais c'était la meilleure réaction et ça a été très suivi par la communauté parce que quand ils l'ont embauché pour faire un stand-alone et ça bon après moi le stand-alone il m'a pas plu mais ça c'est les goûts et les couleurs sans doute mais ça c'était une bonne façon aussi de mettre un aspect de gestion de communauté dans du contenu téléchargeable. C'est comme la série des Total War qu'ont connu alors il y avait des add-ons hein, mais il y en a une, je crois que c'était Crusade, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'il y avait Total War qui se passait au Moyen-Âge et il devait y avoir l'extension Croisade, mais qui était, je n'avais pas accroché, mais par contre qui n'existait que parce qu'il y avait un mode le Seigneur des Anneaux qui était incroyable. Et le mode était 10 fois mieux que le jeu. Et ce qui était cool sur la série des Total War, c'est que les éditeurs laissaient le... C'était ouvert, en fait. Donc, il y avait carrément moyen de modder le jeu. Je sais qu'il y a d'autres jeux de stratégie. Il y avait eu un débat à l'époque sur le... Je n'arrive pas à me rappeler le deuxième. Il y avait un éditeur de jeux de stratégie qui était concurrent, qui avait, lui, tout fermé. tout ficelé. Alors que Total War laissait tout ouvert, en fait. Et du coup, les modes Seigneur des Anneaux, il y en a eu sur Rome Total War et sur Crusade, mais ils étaient géniaux, quoi. Mais c'était incroyable ce qu'ils avaient réussi à faire, tout en restant dans la logique de l'univers de Tolkien, donc avec des elfes qui avaient une portée de flèches comme pas possible, tout en gardant une jouabilité, parce que bon, quand t'as des persos comme ça qui ont des skills un peu trop importantes, il faut trouver un équilibre pour pas qu'il y ait des armées qui soient trop déséquilibrées. Et c'était incroyable, quoi. C'était que des modes, hein. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a un GTA Harry Potter, un Harry Potter Total War et un Civilization Harry Potter? Et là, je vois les yeux de Fanny qui s'éclairent. C'est trop bien. Bon, est-ce qu'on a fait le tour, Adrien? Est-ce qu'on a fait le tour, Salem? Parce que c'est quand même ton sujet, hein. Bah vas-y, dis-le. Non, tu ne sais. Oui ? Non ? Ah, bon, on le retrouvera d'ici la fin du podcast avec un peu de chance. D'accord. Donc voilà, si on peut repousser la police avec un Wingardium Leviosa, Fanny est pour. Et donc oui, on va attaquer donc le quatrième et dernier sujet de ce dernier, Ludologie saison 3. Moi, je voulais revenir sur la question de... du jeu, des joueurs, des joueuses et de l'identité. C'est quelque chose en fait qui revient pas mal du coup depuis le début du podcast et qui, je pense, traverse n'importe quelle activité humaine. La question de l'identité, c'est est-ce que vous voyez autour de cette table dire je suis joueur, je suis joueuse ? C'est hyper compliqué comme question en fait. Et on voit bien à travers les différents débats, les différentes polémiques, qu'on a un problème avec notre identité de joueur ou de joueuse. Je vais reprendre un cas qui est tout bête, vraiment idiot, c'est le cas du dictionnaire. En juin dernier, le dictionnaire français, Larousse et Robert, ont intégré jeu vidéo avec un S, le vidéo, et gamer, G-A-M-E-U-R, voilà. Et je vois mes camarades en face trépigner. Et moi, je me suis posé la question, je fais bon, ok, ce n'est pas l'usage, et c'est peut-être dommage que les sages, les immortels, puisque c'est comme ça qu'on appelle les gens de l'Académie française qui inscrivent dans le dictionnaire, c'est dommage que les immortels n'intègrent pas les usages. Oui, pardon. Ah. Alors, correction, les immortels font le dictionnaire de l'Académie française, qui n'est toujours pas terminé, en fait. Non, c'est plus complexe que ça, mais voilà, là, le Robert et le Larousse, c'est eux qui choisissent, avec un comité éditorial, de rajouter des mots dans le dictionnaire en se basant avec des auteurs, des philosophes et compagnie. Il est très, très peu probable qu'ils aient intégré ces mots-là à leur dictionnaire. Oui, je pense que l'Académie française, il y en a certains, ils ne doivent même pas savoir ce que c'est gamer. Dommage, j'imaginais Finkielkraut en train de débattre là-dessus, c'était beau. En tout cas c'est hyper intéressant de voir vos réactions à toutes les deux quand j'ai évoqué ces deux mots qui sont rentrés dans le dictionnaire. On voit bien que, bordel, vous n'êtes pas content, pas contente pour le coup, que la pratique du jeu vidéo et la passion pour le jeu vidéo soit admise par des gens qui a priori ne sont pas forcément branchés là-dessus. Ah, pardon. J'ai grimacé à cause de l'orthographe, juste. Parce que jeu vidéo avec un S à vidéo, voilà, ça fait quick. Voilà. Et gamer avec E-U-R, bon, ça va, au moins ça permet d'utiliser gameuse, et je pense que c'est pour ça sûrement, parce qu'au moins ça s'accorde au féminin, mais ça pique un peu les yeux. C'est surtout, et là j'anticipe peut-être sur ton sujet, mais tu vas nous le dire, hein, mais que autant jeux vidéo, on n'aurait pas d'équivalent qui existerait déjà, et ça me semble très bien qu'on l'intègre au dictionnaire, mais gamer, excuse-moi, mais il me semble qu'il y a un mot très très très courant en français qui veut dire la même chose, donc moi ça me paraît au mieux bizarre. Au pire, carrément inapproprié, parce qu'en plus, vu cette orthographe qui n'est pas celle qui est utilisée, en plus, enfin, je veux dire, si je pourrais comprendre une argumentation de francisation qui collerait à la graphie française, mais du coup, il aurait fallu écrire G-A-I-T-R-E-M-A, M-E-U-R. Enfin, non, mais le travail est fait à moitié. Donc, c'est ça qui. Non, mais si, c'est vrai. Parce que, ou on écrit gamer et on l'écrit G-A-M-E-R et on prend la graphie anglaise, ou alors on essaye carrément de franciser en respectant la façon dont on écrit en français pour que la phonétique soit bonne. Mais là, ça me semble très bizarre. Célène, tu prends les choses à l'envers, c'est parce qu'on dit gamer, c'est tout. Et voilà, ça craint un peu. Vous n'avez pas entendu certaines phrases hors micro, je ne les répéterai pas, mais Fanny a dit des choses. Voilà. Faut qu'elle assume. Et Célène a rebondi. Voilà. Je balance. Depuis quelques mois, alors pas dans la version papier, mais dans la version numérique, il existe dans le. Je crois que c'est le Larousse, je ne voudrais pas dire faire du mal au petit Robert, ce sera l'un ou l'autre. Hein. Pour nous, plébéiens, c'est un peu la même chose. Il existe le mot rôliste, avec comme description, comme définition, personne pratiquant le jeu de rôle, ça ne mange pas de pain. N'empêche que, de une, on la doit à un monsieur qui s'appelle Pierre Rosenthal, qui s'il nous écoute, il ne va peut-être pas aimer le mot, mais c'est un vénérable du monde du jeu de rôle en France. C'est vraiment, il a fait partie des auteurs un peu fondateurs, dès les premières éditions de Casus Belli, notamment. Enfin, c'est quelqu'un qui a une voix dans le milieu. Donc, on ne va pas nécessairement solliciter des gens qui ne connaissent pas. Et puis, on sort rôliste, alors que dans l'absolu, c'est des joueurs hein, ou des joueuses, évidemment. L'avantage de rôliste, c'est que ça marche dans les... Voilà. Il n'y a pas de problème d'accord. Mais du coup, je comprends qu'on sorte gamer aussi, parce que ce n'est pas tous les joueurs et toutes les joueuses. Ça correspond à des supports spécifiques. Et même si on revendique la transversalité, ça correspond à des identités spécifiques et quelqu'un qui se définit comme gamer se définit pas nécessairement comme joueur. Et puis c'est rigolo parce que tout ça nous renvoie assez loin en arrière au deuxième podcast, je crois, qu'on a fait avec Jérôme Larré sur justement quel rapport on a au jeu et à quel moment ça fait partie de la façon dont on se définit. Et on touche à un point où je voulais arriver, c'est-à-dire que, alors ok, maintenant on a les rôlistes, on a les gamers, les gameuses, les plateauistes, les cartistes, les cartographes, ah non, ça c'est déjà pris. Voilà, non, mais voilà, on peut, cartomanciens, enfin vraiment. Et ce qui me fait arriver à dire, a-t-on besoin d'une identité quand on a joueur-joueuse ? Après tout, nous sommes des êtres pluriels, des êtres mosaïques qui avons différentes pratiques ludiques, mais aussi culturelles. Je veux dire, on ne définit pas quelqu'un genre « Ah bah lui, c'est un science-fictionniste. Lui, ou elle d'ailleurs, c'est plutôt un polariste. Ouais. » Alors là, je reviendrai là-dessus quand même, parce que déjà, c'est mon expérience de bibliothécaire qui fait qu'il y a une classification du lectorat. Ça existe. Mais même par les lecteurs eux-mêmes, on parle de romans de gare, on parle de voilà, les gens vont critiquer les Marc Lévy et compagnie en disant « Ah oui, ça c'est les gens qui lisent ça, voilà, c'est pas vraiment des lecteurs. » Ou « Ah bah, ils lisent que de la science-fiction. Oh, ça lit que du polar, ça lit pas de la littérature. » Ça existe. On définit les gens par ce qu'ils lisent quand même. Alors, oui, il y a du jugement de classe, mais comme effectivement on l'a évoqué hors micro à l'instant, il y a les casus. Il y a les casus, il y a les cases bonbons, il y a de tout. Et donc, je comprends effectivement qu'il y a une classification de classe. Je précise, c'est pas les bibliothécaires qui font ça, hein, c'est ce qu'ils entendent. On y croit vachement. Mais donc voilà, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas un problème avec l'identité quand on voit, donc il y a eu cette histoire, cette micro scandale orthographique pour certains et certaines. Franchement, moi je m'en fous royalement, ça n'empêchera pas. Enfin, franchement, s'il faut attendre que des mots soient bien écrits dans le dictionnaire, soivent, voilà. Oui, messieurs dames, oui. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, je ne sais même pas s'il y a ce mot-là dans le dictionnaire. Donc voilà, je pense que peut-être qu'il faut arrêter de se questionner sur ces questions-là, c'est très français. Mais voilà, ça fait écho. Donc là, il y a le cas du gamer et de la gameuse. On a eu le cas, il y a quand même quelques années, du Gamergate, où là, on était dans quelque chose de vachement identitaire. On a eu tout à l'heure l'occasion de parler du mode, parce que il y a quelque chose. Ah oui, mais moi, attends, moi, je suis un vieux de la vieille, moi, je suis un ou une vraie, et moi, je veux des modes gratuits. Donc, est-ce qu'on n'a pas un problème avec notre pratique ludique ? Alors, dans les orchestres, il y a des violonistes, il y a des contrebassistes, il y a des pianistes. On pourrait dire, bon, tout ça, c'est que des instrumentistes. Mais on les différencie. Dans les mélomanes, il y a des métalleux, il y a des popeux. Voilà, pareil, on s'identifie par communauté, alors que ce soit dans la pratique active, je parlais des musiciens, ou plus passive, si on peut dire, en tout cas dans la réception, je parlais des métalleux. Et je trouve que plus une communauté est en périphérie de la culture légitime, plus elle a besoin de ça, ou en tout cas plus elle est réduite, plus elle a besoin de s'identifier, de se donner ses codes. Et tous les amateurs de musique alternative le savent, en plus, c'est complètement balkanisé en sous-micro-communautés qui aiment tel ou tel genre. C'est parce qu'on se donne une identité qu'on peut trouver chez l'autre une identité similaire et faire communauté, ou trouver chez l'autre une identité différente et avoir des débats. Et moi, je trouve que c'est pas inintéressant. Et effectivement, si tu mets un plateauiste et un gamer ou une gameuse face à face, ils ont tous les deux des pratiques de jeu. Elles sont probablement très différentes, ils ont probablement des tas de choses à discuter, mais s'ils disaient juste tous les deux mon identité c'est joueur, je pense pas qu'ils auraient cette granularité dans leurs expériences et dans leurs pratiques. Moi, je trouve que c'est pas illégitime. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, par contre, qui prennent un volet ou l'autre de la pratique ludique comme étant un élément qui fait partie de leur identité en tant que personne. Et à nouveau, on revient sur ce dont on discutait il y a maintenant pas loin de 3 ans avec Jérôme Larré, avec beaucoup de gens qui ont des pratiques de jeu en disant « mais moi, je joue jamais » et qui pourtant font leur mot croiser toutes les semaines. Et ça existe toujours. Et puis, il y a aussi de plus en plus de gens qui disent « moi, je suis joueur, ça fait partie profondément de mon identité, c'est pas juste un passe-temps ». Et qu'ils le sont tellement qu'effectivement ils se définissent sur une pratique ou une autre. Là-dessus, je crois que c'est à la fois le bon et c'est quelque part c'est un peu la part obscure du fait qu'il y a une culture qui se globalise et que du coup il faut recréer des petites niches dedans. Ce que tu disais par rapport à la musique m'a fait beaucoup penser à c'était une planche de Boulet, le BDiste qui illustrait ça par rapport à je crois que c'était un métalleux qui disait « Mais non, mais t'as jamais écouté de vrai métal, toi ! Et vas-y, écoute ça !» Et en fait, il fallait absolument avoir passé tout son répertoire pour avoir écouté du vrai métal. Et refaisait la comparaison avec la cuisine aussi, où il fallait avoir grimpé l'Himalaya pour récupérer une vraie endive, pour savoir si on aimait vraiment l'endive. Enfin, voilà, il avait fait ça et... mais c'était une image, hein. Il adore s'exprimer par image, si vous voulez. En fait, sur le jeu vidéo, on se rend compte qu'il y en a quand même des pratiques similaires avec souvent des biais misogynes aussi là-dessus. Le fait de dire non, mais toi, tu joues pas vraiment. Alors, ne serait-ce que parce que t'es une fille, donc tu dois me prouver et réciter l'intégrale des répliques, etc., pour bien prouver que t'as vraiment vu le jeu et que t'as pas regardé ton copain jouer ou je sais pas quoi. Enfin, il y a vraiment un biais misogyne là-dessus. Et sur aussi certaines catégories de jeux, on a parlé des casus. Les Sims, on va considérer que c'est pas un vrai jeu. Le solitaire non plus. La plupart des jeux sur portable non plus. Enfin, il y a vraiment... Et on remarque qu'en plus, c'est des catégories de jeux qui sont en plus connotées féminines souvent. Enfin, on tourne en rond là-dessus, mais on remarque que autour de ce marqueur d'identité, et tu as parlé du Gamergate tout à l'heure, il y a un marqueur fort réactionnaire aussi de la question du « moi je suis légitime parce que j'étais là avant, supposément, parce que c'est même pas... enfin voilà, mais j'étais là avant, c'est à moi, c'est mon précaré, et c'était mieux avant ». Voilà, il y a tout cet agglomérat d'idées qui a tendance à converger, ce qui fait qu'aujourd'hui, se dire gamer, c'est pas toujours facile pour cette raison-là, justement. Et tu as exactement résumé toutes mes craintes, en fait, dans pourquoi on se fait chier à s'identifier en tant que joueur. Voilà, juste ça. Bah ouais, mais moi je vois, c'est, il m'a fallu du temps pour affirmer que j'étais une joueuse. Autant quand j'étais jeune, voilà, bon, j'avais la console, je jouais avec plein de copains, des copines, il n'y avait aucun problème. Jusqu'à 11-12 ans, puis en plus j'étais la première à avoir eu la N64, donc j'avais la cote, c'était génial. Il n'y avait aucun problème. C'est à l'adolescence, comme souvent, que les problèmes sont arrivés. Et j'ai commencé à avoir des gens, et c'était essentiellement des garçons, qui remettait en cause les jeux, mais des fois j'avais le droit à des interrogatoires. Alors, je me rappelle que ça avait été sur les Lara Croft, une conversation, je devais avoir 15 ans, un truc comme ça, où j'avais dû quasiment décrire chaque Lara Croft, et il y en avait auxquels je n'avais pas joué, parce que je n'avais pas accroché à tous. Il y avait des Lara Croft auxquels j'avais joué que aux versions démo qu'on obtenait sur les magazines de jeux et tout ça. Il n'y avait pas de DLC, je me rappelle d'une démo où il y a les loups, il n'y a que ce niveau avec les loups, c'est Lara Croft 3 de mémoire, je ne sais même plus. Mais bon voilà, mais j'avais été obligée de passer l'interrogatoire pour prouver que oui, je connaissais Lara Croft. Mais par contre, ça a disparu après. Ça a disparu après, et par contre, moi j'ai gardé des craintes et j'ai mis du temps à dire oui, je joue. Au début, je dis ah non, moi j'aime bien tester les jeux, j'aime bien regarder ce qui se fait, j'aime bien commencer un jeu, lire l'histoire. Ben non, en fait, j'aime jouer. Donc oui, je finis pas tous les jeux, mais c'est pas grave, et du coup, oui, je peux être joueuse. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué à accepter, à s'affirmer comme identité, en tout cas quand on est une fille, dans certains cas. Personnellement, j'irais pas m'amuser à aller sur jeuxvideo.com. Parler sur les forums. Bon, je ne suis pas très forum de base, mais alors là, je n'irai pas là, sur celui-là, ça c'est sûr. Je ne vais pas aller à contresens de vous, mais un petit peu quand même. Ça nous aurait étonné. C'est pas aussi vrai dans tous les domaines. Je pense en particulier aux jeux de société où la mixité n'est quand même pas la même, y compris dans les pratiques et dans les prises de parole. Au-delà de ça, moi... Je vais faire un peu mon Célène. Je suis plutôt optimiste. Il me semble que parce qu'on a de plus en plus de gens à se revendiquer comme joueuses ou joueurs, c'est par là que la légitimité du jeu comme objet culturel s'acquiert, et que quand une majorité de la population s'assume et se revendique comme joueuse ou joueur et comme et dit que cette pratique-là fait partie de son champ culturel, à ce moment-là, le jeu a le potentiel de devenir une pratique culturelle. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui jouent dans une pratique qui est plus une pratique de distraction. Mais je pense qu'il y a des choses qui bougent beaucoup plus là-dessus, et qu'on a de plus en plus des gens qui se définissent comme joueurs comme des gens se définissent comme cinéphiles. C'est la différence entre... Voilà, des gens qui vont au cinéma et des cinéphiles. J'ai l'impression qu'en jeu, on trouve de plus en plus la même chose. Et c'est intéressant parce que vraiment, je crois que c'est aussi ce qui fonde et ce qui légitimise une pratique culturelle, quelle qu'elle soit. Une certaine masse critique de gens qui ont intégré cette pratique-là et pour qui c'est une source de réflexion et d'épanouissement. Du coup, moi, je propose qu'on écrive au Larousse et au Robert pour proposer l'ajout de ludophile. Ça irait pour les appréciateurs du jeu sous toutes ses formes, parce que là, ça passe pour tout. Ludophile, c'est classe. Ou les ludologues, hein, allons-y clairement. Hein. Oui, les spécialistes, vas-y. Nous sommes 4 ludologues, c'est parfait. Non, voilà, c'est ma conclusion, parce qu'effectivement, je partage un certain nombre de points et vous avez littéralement spoilé là où je voulais en venir. Mais en fait, la fin de ma réflexion là-dessus, c'est en fait, heureusement ou non, je sais pas. Est-ce que la démocratisation de ce terme, voilà, moi je suis joueur-joueuse, ne mène pas à un repli identitaire de chez certains ou certaines d'ailleurs, moi je suis un ou une vraie. Je suis gamer, gameuse, rôliste. C'est comme en jouant avec la bande de rôlistes fréquentant Manuel Bedoué, j'ai remarqué, il y a les narrativo-vegan. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, hein, mais apparemment ils existent, ils sont parmi nous. Terminologie en tout cas scientifiquement prouvée, je ne sais pas, mais apparemment ils sont parmi nous, et peut-être, et d'après ma pratique, je serais ça apparemment. je serais narrativo vegan parce qu'apparemment je raconte n'importe quoi. Non mais de toute façon c'est des techniques de narrativo vegan, ça. Voilà. Donc je me dis, est-ce que un peu halte au repli identitaire, accueillons les narrativos vegan s'ils existent, et puis en tout cas acceptons tout joueur ou joueuse, quel qu'il soit. Après, je pense que ce repli, il existe dans tout. T'auras toujours quelqu'un qui sait mieux que les autres parce que il y a juste des natures de personnes qui s'investissent beaucoup dans certaines pratiques et qui ont ce besoin, en fait, de maîtriser quelque chose, un aspect de leur vie par rapport à d'autres. Alors, ça sera le jeu, ça sera la littérature, le cinéma, ça sera n'importe quoi. Mais je pense que voilà, c'est à partir du moment où ça se démocratise, ça existera. Parce que ça existait même avant. J'ai eu le cas avec des rôlistes qui étaient des gros puristes et ils acceptaient pas de néophytes parmi eux parce qu'il fallait expliquer les règles et ça les faisait chier et qu'on comprenait pas les mécaniques de jeu et patati et patata. Mais il y avait ce côté repli parce que c'était plus facile d'être entre soi, de parler le même langage. Mais en fait, il y a ça partout, à mon sens. Ça ouvrirait presque la question, le narrativo vegan est-il le casu du jeu de rôle, quoi, enfin... Sur ces bonnes paroles, je pense que on peut conclure cette troisième saison de Ludologie. Je pense que voilà, je sais pas ce que t'en penses. On va se faire défoncer sur Internet. Et c'est ça qui est beau, parce que ça veut dire qu'ils seront arrivés à la fin de cette troisième saison de Ludologie. Et on les en remercie en tout cas d'avoir supporté nos diatribes jusqu'au bout. Nous, on se retrouve. Voilà, peut-être oui, tu veux. Il y a une question qu'on a passé notre temps à poser à tout le monde. Et du coup, en fait, je me pose la même question pour vous. Votre expérience de jeu qui vous a marqué récemment, c'est quoi ? Récemment ? Récemment, on va dire dans l'année en cours. Ça va restreindre le champ des possibles. Dans l'année en cours, en tout cas, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'était Brothers. C'est un jeu PC. Et auquel on a joué en couple, parce qu'en fait c'est un jeu qui se joue avec une seule manette à deux, donc en fait on y a joué en couple. Alors c'est de ces jeux qui durent 3-4 heures, ouais, et qui par contre qui coûtent le prix d'une place de ciné, donc pour une soirée couple c'était un vachement beau moment qu'on a passé à deux, donc je recommande, on a vraiment passé une belle soirée. Oui, j'ai pas, enfin c'est un jeu donc on joue à deux sur la même manette et il y a vraiment des parce que j'ai pas dit quel était l'intérêt du jeu. Il y a vraiment un côté entraide, coopération tout le long du jeu. C'est vraiment un jeu qui se joue à deux, où on va au bout de l'histoire à deux et où ça a vraiment du sens. C'est détaillé dans le scénario, ça a vraiment du sens d'être à deux sur la même manette. On joue deux frères qui veulent aller récupérer une médication pour leur père, etc. Enfin, c'est vachement beau, plein d'émotions. Un bon moment à passer, à tendre la main à l'autre pour qu'il monte il monte la falaise, etc. Enfin, c'est vachement bien mis en scène. L'année 2017 est riche ludiquement, ça va être très compliqué. En tant que joueur, j'ai pris une grosse patate récemment sur un jeu qui s'appelle Magic Maze, que j'évoquais tout à l'heure, qui est un jeu coopératif de plateau, qui a des dynamiques que j'avais jamais vues sur du coop avant, qui désamorce un des gros problèmes réguliers du jeu coopératif qu'on appelle le master player, à savoir un joueur qui va jouer à la place de tout le monde. En gros, là, le jeu ne le permet pas. C'est le jeu de coop le plus intelligent que j'ai vu sur plateau depuis Anabi de Antoine Boza. Et il est très, très costaud. Alors, je ne suis pas du tout fan de l'histoire qu'on propose derrière et de la façon dont c'est édité, mais les mécaniques de jeu sont merveilleuses. D'un point de vue plus global, moi j'ai eu quelques expériences intéressantes autour du jeu cette année, puisque je me suis frotté pour les premières fois à la conception et à la création de jeux vidéo et à la conception et création de jeux de plateau. Et c'est des exercices vraiment, vraiment intéressants et riches auxquels je vous invite, si vous avez l'occasion. Le jeu de rôle, j'avais déjà un peu pratiqué, faites-le aussi, c'est très très bien. Mais voilà, quand on fait un peu de game design, se confronter à des médiums dont on est moins familier, c'est des sacrés challenges et ça ouvre un petit peu les écoutilles. Alors moi, il y a un jeu avec un packaging qui est complètement génial, ça s'appelle Les Marches du Pouvoir. C'est fait par un sombre inconnu qui s'appelle Manuel Bedoué. Il y a des dominos qu'on met devant nous et on peut raconter des conneries avec. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'y ai joué. C'est comme... Voilà. Je confirme. Voilà, et je me suis fait insulter de narrativo vegan, j'ai pas compris, mais j'ai passé un bon moment en tout cas. Non, mais vraiment, j'ai passé un bon moment, objectivement, je trouvais l'univers intéressant. Au-delà de, effectivement, son créateur est néanmoins ami. ouais, la phase auto-promo, exactement. Non, en fait, là, sur un an, j'ai pas tant que ça de jouer, paradoxalement. Je dirais qu'il y a Doom, que j'ai résumé il y a pas longtemps, comme une histoire d'amour entre un mec et un shotgun, qui est plutôt bien. Non, sinon, si, il y a un passage du dernier Metal Gear Solid, qui est sans doute la fois où j'ai éteint la machine, pour le coup le PC, en me disant ouais, là il a réussi à toucher quelque chose qu'il voulait toucher, et salaud. Je résume sans trop spoiler, tout simplement, dans Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, on passe des heures et des heures, donc en mission ultra secrète, machin, on évite de tuer ses ennemis et on les capture pour après en faire ses soldats. Bon, c'est pas très très moral dit comme ça, mais mine de rien, on s'y attache, on les envoie en mission, ces soldats, on les pimpe, on leur donne du matériel et tout ça. Et à un moment, ils ont une maladie et on doit les abattre avec nos camarades qui dans l'oreillette nous disent bah non, fais pas ça, si, fais ça. Et c'est très perturbant comme sensation. C'est quelque chose qui fait réfléchir sur voilà, l'attachement d'être humain, sur les conséquences de ses actes. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande à toute personne aimant la série ou le jeu vidéo de manière générale. Et du coup, moi, je vais finir. C'est pour une fois, j'avais plusieurs expériences de jeux vidéo en tête, et c'est quand Manu t'a parlé du coup de Adrien de jeux plus de jeux de rôle. Ça m'a rappelé là une partie que j'ai commencée à la rentrée dernière en septembre sur les Mousquetaires de l'Ombre. Donc c'est un mélange entre les Trois Mousquetaires et Men in Black. Puisqu'il y a un vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé sur Terre, et que les mousquetaires de l'ombre, c'est une compagnie spéciale qui doit protéger le grand secret. Alors déjà, ces deux univers que j'adore, les voir se rencontrer, c'était génial. Ouais, mais ça se trouve, avec les machines et tout, il y aura moyen. Et ça a été l'occasion aussi de pouvoir jouer avec des amis, en fait, avec qui j'avais jamais joué. Donc on s'est découvert d'une manière qui était intéressante. Et surtout, la dernière partie qu'on a faite, là, ça remonte à plusieurs mois. Parce que l'avantage des mousquetaires, c'est qu'une fois que nos persos sont créés, de toute façon, on est envoyé en mission. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'être toute l'équipe réunie. Des fois, on est envoyé par deux en mission, deux fois par trois. Des fois, on a un guest parce que cette mission-là, on a un noob avec nous. Allez, hop, un nouveau mousquetaire, on va le former. C'est super chouette. Ça rend les parties dynamiques. Et elle change vraiment tout le temps, parce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes joueurs. Et la dernière fois, notre monsieur nous a fait faire une partie où on était drogués. Bien sûr, on ne le sait pas dès le début. On se réveille à un endroit, paf, ça coupe. On se réveille à un autre endroit, il nous décrit quelque chose. Il nous donnait des petits papiers avec une phrase. C'était la seule chose dont on se souvenait. Et c'est impossible de le décrire, parce que c'est comme si moi-même, et puis les autres joueurs, parce qu'on en a discuté ensuite, c'est comme si on avait été drogués nous-mêmes, parce qu'il avait réussi cet exploit de nous créer une atmosphère découpée, maladive, qui était assez folle. Et on est resté la partie, rien que ce bout où on était drogués, on a dû rester 2 heures dessus, et on est resté complètement hallucinés, puisqu'on ne comprenait rien, il s'arrangeait pour donner que des petites infos à l'un, puis à l'autre, puis on essayait de causer entre nous, ça fait aucun sens, et on a vraiment cru, on a ressenti ce que les persos vivaient, en fait, et c'était génial, c'était juste incroyable, c'était vraiment, vraiment top. Merci le jeu s'il entend. Donc voilà. Eh bien, oui, tu voulais revenir sur un point, Manuel ? Non, je voulais faire des annonces pour l'été. Alors on avait déjà fait l'année dernière, mais comme on s'est foiré et qu'on est quand même des gens extrêmement déterminés, on recommence cette année. Si tout se passe bien, Vous allez pouvoir écouter les conférences du Stunfest 2016. Ça commence un peu à dater, mais comme il n'y en a pas eu en 2017, on s'en fout, ça reste le dernier. Vous allez pouvoir écouter sur le channel Ludologie les conférences du Stunfest 2016. Donc les dernières qui ont été enregistrées, il y en a 13. C'est des bons gros morceaux de discussion. Voilà, on est en train de les récupérer là, et l'idée c'est qu'on puisse vous diffuser ça pendant tout l'été, vraiment un peu plus longtemps, parce que 13 numéros, ça prend un peu de temps, et puis on ne va pas tout vous mettre d'un seul coup entre les pattes. Mais en tout cas, vous allez avoir de quoi occuper vos vacances d'été en très bonne compagnie, puisqu'il y avait quand même, beaucoup d'invités de très haut niveau. J'espère que vous en profiterez pleinement. Manu dit ça parce qu'en fait, il a animé certaines tables rondes, hein, donc la bonne compagnie, c'était pour lui. C'est dégueulasse. Je parlais des invités. Les animateurs font ce qu'ils peuvent. Et dans les invités, évidemment, dans les gens de très grande qualité, y a quelqu'un qui est en train de se signaler à grand renfort de levage de main. Célène a évidemment participé, a été intervenante sur ce sujet-là. Et puis, ouais, voilà, il y a vraiment plein de gens, des filles, des garçons. Vous verrez, vous écouterez et vous reconnaîtrez peut-être même quelques voix que vous avez déjà entendues dans l'Udologie. Eh bien, sur ces mots et sur ce programme estival, nous vous souhaitons un bon été. En tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire et vous souhaiter. En attendant, jouez bien, jouez plein, nombreux et nombreuses, et dans le respect de tous. Voilà, parce que des fois, on peut jouer avec des gens pas gentils, ça arrive. Et en tout cas, on espère vous retrouver, allez, disons septembre, septembre-octobre, voilà, parce que j'ai les feignasses qui m'accompagnent. Voilà, bon été à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures podcastiques, ludologiques, ce que vous voulez. Ciao.